tendu sur mon lit, je sens bouquet vert. Tahiti, un pet à la main, mes problèmes semblent ne plus exister. À cet instant, la vie n'est pour moi qu'un dessin, qu'une jeune fille colorie de sa main douce et légère. La dame blanche, t'es le diable, tu te roses toute mon existence. Ma sentence est belle et restera éternelle. Face au diable cruel, la dame blanche m'émerveille. Ma sentence est belle et restera éternelle. Face au diable cruel, la dame blanche m'émerveille. Sur la plage, elle me regarde tendrement. De l'eau coule sur son visage, l'imagine pensant. À s'évader plus loin, oublier ses problèmes sans perdre les siens. Marie-Jeanne veille, la jeune fille colorie, coup de rose noire, mon destin. Ma sentence est belle et restera éternelle. Face au diable cruel, la dame blanche m'émerveille. Ma sentence est belle et restera éternelle. Face au diable cruel, la dame blanche m'émerveille. Ma sentence est belle et restera éternelle. Face au diable cruel, la dame blanche m'émerveille. Ma sentence est belle, tu resteras éternelle. Face au diable cruel, la dame blanche m'émerveille.